Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Analyse F1 pour une chronique un peu spéciale puisque je suis en compagnie de Ghislain. Bonsoir Ghislain. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et donc c'est donc ta chronique Ghislain qui s'appelle aujourd'hui Rétro Grand Prix ou Rétro GP si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc on repart sur une nouvelle chronique, j'ai envie de dire. Après du LF1, ça fait un petit moment en plus hein, depuis du LF1, je sais plus quand est-ce que c'était, mais... Ouais, c'était en début d'année, là, je crois. Ouais, de mémoire, un truc comme ça, faudrait que je retrouve mes notes, mais ouais, ça doit être ça. Ouais, donc tout à fait, merci d'abord Julien, hein, merci de me donner à nouveau la parole. Alors, bon, pas de souci. Merci après... à toi hein, d'intervenir dans Analyse F1 et de nourrir le podcast, ça me fait plaisir. Avec grand plaisir, et puis... Voilà, après un premier du coup du LF1 que j'ai pas trouvé très réussi de mon propre aveu, même si je crois que j'ai eu, il y a eu quelqu'un sur Twitter qui avait bien aimé, je me rappelle plus de son nom, je suis désolé. Voilà, donc j'ai décidé de revoir un peu tout ça et de m'attacher à vous raconter ce qu'il fait, voilà, ce qu'il a pu faire et ce qu'il peut faire le sel d'un Grand Prix de Formule 1 en particulier. Et donc pour inaugurer cette chronique, ou bon, c'est aussi une chronique un peu dans la continuité de l'autre, hein, puisqu'on aura l'occasion aussi de revenir sur des grands prix marquants comme le Grand Prix où Hamilton et Alonso se sont pas mal frités. C'était en 2007, donc c'était le Grand Prix de Hongrie de mémoire, si je ne m'abuse, ou si ma mémoire ne flanche pas. C'est ça. Donc voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Mais là, aujourd'hui, on va se projeter du coup 19 ans en arrière. Hein, et puis, comme on est français et chauvin, j'ai décidé de vous raconter donc aujourd'hui, ce soir, les aventures palpitantes, puisqu'on peut le dire, à l'époque, il y avait encore des Grands Prix qui étaient passionnants et qui a conduit à la dernière victoire française en Formule 1, à savoir celle d'Olivier Panis sur Ligier Mugen Honda. 19 ans, ça, 19, déjà, ouais, ça remonte hein, quand même. Ouais, hein. Ça remonte, ouais. Dernière victoire française. Aïe, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Lors du Grand Prix donc, du coup, de Monaco 1996, où je suppose que tout le monde a cette image de cette belle Ligier bleue avec le drapeau français brandi par Panis sur la ligne d'arrivée. Donc je pense que tout le monde a cette belle image. En tête. Alors, je dis dernière victoire française, c'est pas tout à fait vrai. Si on veut rester un peu plus concis, la dernière victoire française, on pourrait la dater plutôt en fin de saison 2009 avec Fernando Alonso sur Renault. Et c'est la dernière fois qu'on a entendu, en tout cas, la Marseillaise sur le podium, hein, puisque Alonso était motorisé chez Renault. Et de mémoire, c'était le fameux Grand Prix de Singapour où il y en a eu un autre, je sais plus. C'était un truc comme ça. Je fais appel à ta mémoire, Julien, du coup. Oula, 2009. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était le fameux Singapour Gate. Ah oui. C'est bien possible. Oui, mais je crois que c'était ça. Il faudrait que j'aille regarder, mais du coup, voilà. Si on veut vraiment rester concis dans les faits, effectivement. Alors non, c'était en 2008, du coup. C'était pas en 2009, c'était en 2008, parce que 2009, Fernando Alonso est parti chez Ferrari. Et Renault s'est fait racheter par le fonds d'investissement Génie Capital. Enfin, non, en 2009, il y avait bien encore Renault. Hein. C'est en 2010 qu'il est allé chez Ferrari. Ah, c'est en 2010. Ah bah, excuse-moi, tu vois, c'est ma mémoire qui flanche. Ah oui, exact, oui, c'est 2008. Et puis oui, 2009, il a pas signé de victoire, en fait. Voilà, c'était deux dernières victoires de Renault en tant que constructeur à part entière, hein, du coup. Donc, c'était pour... que je ne vous dise pas de bêtises, je suis en train de regarder pour être tout à fait... Donc voilà, Singapour 2008, c'est ça, le fameux Crash Gate. C'est pas le Singapour Gate, c'était Crash Gate. Voilà. Le Crash Gate, ouais, je m'en souviens. Il avait pas été dépossédé de sa victoire ? Bah non, du coup, non, il avait pas été dépossédé parce que je crois qu'il avait été mis hors de cause. C'était principalement une bibille entre Briatore et comment il s'appelle déjà, Nelson Piquet Jr. Donc a priori non, il a jamais été dépossédé de sa victoire. Des victoires un peu surprises d'ailleurs, hein. Deux dernières victoires de la saison de Renault là, sur une saison où ils étaient totalement transparents, ils avaient une voiture qui n'était pas très très réussie. Et donc du coup effectivement il y a eu ces deux victoires et effectivement 2009 il n'a absolument rien ramassé. J'espère que ce ne sera pas la même chose avec McLaren dans les prochaines années parce que le pauvre, il a quand même reconnu des saisons sans là depuis 2007. Ouais, le temps se fait long. Mais en tout cas, ouais, si on veut rester sur les pilotes à proprement parler, c'est vrai que la dernière victoire française, c'était donc en 1996. T'as la date exacte peut-être parce que... Ah, 19 mai 1996. c'est beau, 19. Mais ouais, donc ça fait 19 ans, presque pile, on va dire, à un mois près. Un mois après. Oui, mais c'est pour ça que j'ai choisi ce Grand Prix, parce qu'on était. Alors, les puristes auraient pu me dire, t'aurais pu choisir le Grand Prix d'Autriche, mais j'ai pas trouvé pour l'instant de choses. Comme je suis en train de reconstituer pas mal de Grands Prix là, qui sont maintenant disponibles sur le net pour regarder justement. Et D'accord. figure-toi que d'ailleurs, le Grand Prix de Monaco 96 est regardable sur Dailymotion, une fois n'est pas coutume, en entier. C'était TF1 le diffuseur à l'époque. Et il y avait donc au commentaire, donc il y avait Jacques Laffite. Non, il n'y avait pas Laffite. Il y avait Van Vliet et il y avait l'autre, comment il s'appelle, celui d'AutoPlus là. Moncey, Moncey, non? Ben, voilà, c'est ça, Moncey. Ah, la Van Tout à fait. Vliet, Van je Vliet, ne ouais. vais pas en parler, sinon je vais m'énerver, mais... Je ne supporte pas ce mec non plus. Ah, voilà. Je ne le supporte Je ne le pas. Et, supportais pas, je ne le supporte toujours pas, et c'est... et là, il fait des vidéos actuellement sur YouTube pour F1i Magazine, cette espèce d'ersatz de magazine F1, là, qui est absolument horrible à regarder. D'ailleurs, le dernier Grand Prix de Monaco, j'avais regardé vite fait, ils étaient en train de boire du champagne, comme si de rien n'était. Enfin, je trouvais ça tellement hors propos que, bon, bref. Alors, on va pas s'étendre là-dessus. Et donc ce Grand Prix de Monaco 1996, qui donc a été remporté, est-ce que tu veux laisser le suspense à ceux qui ne le savent pas, mais est-ce que je peux le dire? Tu peux le dire, tu peux le Ah, dire. remporté par Olivier Panis, notre pilote tricolore. Ouais. Et donc tu voulais revenir, il me semble, un peu sur sa saison et sur le début de saison de manière générale? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Rétro Grand Prix, ça va être donc une chronique qui va revenir de manière, je l'espère, plus régulière que du LF1. Et on va s'attacher dans un premier temps à regarder qu'est-ce que faisait le sel de la saison avant ce Grand Prix-là. Donc on replace le décor, 19 ans avant, on est en 96. On a donc quatre nouveaux pilotes déjà, dans un premier temps. Bon, ça va vous faire sourire parce que forcément, ce sont des noms que les gens vont connaître, hein, donc que toi, Julien, tu connais aussi, forcément. Donc il y a Jacques Villeneuve, hein, puisqu'il faut savoir qu'il est apparu en 96, hein, à 25 ans, sur Williams D'accord. Renault. Hein, il est signé aux côtés de Damon Hill. Jacques Villeneuve qui venait juste d'ailleurs de remporter les 500 miles d'Indianapolis, du coup. Et oui, Donc c'était voilà. suite à sa brillante, on va C'est dire, épopée exactement. américaine qu'il est Tout venu à en fait. Europe. Tout à fait. Bien, bien lui en a pris, hein, du coup, même si aujourd'hui il est aussi insupportable à écouter. Ensuite. Ricardo Rosset sur Arrows, alors lui il l'aura pas laissé grande trace dans la mémoire de la F1. Et Giancarlo Fisichella qui faisait aussi son apparition en Formule 1 à cette époque-là sur Minardi et qui sera d'ailleurs remplacé sur deux Grands Prix par Tarso Marquez qui lui aussi n'aura pas laissé un grand souvenir impérissable dans la discipline. Alors il y a eu également pas mal de transferts en intersaison, dont le plus marquant restera celui de Michael Schumacher qui passe du coup de Benetton Renault à Ferrari, un Benetton Renault avec lequel il a quand même déjà remporté deux titres de champion du monde, hein, ce qui n'est pas rien. Et oui, c'est le champion sortant, c'était un gros, Exactement. gros coup. Et puis, Tout à après fait. coup, avec le recul, évidemment, c'était encore un plus énorme coup qui a été Tout à fait, fait. quoi, quand on connaît l'histoire. Surtout qu'on se souvient que l'écurie a été reprise en 93 par donc Jean Todt, hein, Jean Todt qui a restructuré les départements de Ferrari, un peu comme l'aurait fait aujourd'hui avec Arriva Bene. Et donc du coup, voilà, gros coup, il signe le champion du monde sortant, qui sort donc d'une excellente Benetton Renault, hein, qui a un peu surpris tout le monde d'ailleurs, hein, dès 94, et surtout Williams, hein, puis on se souvient tous très bien de ce duel avorté entre Senna et Schumacher, et donc il passe à Ferrari. On peut citer les autres, hein, puisqu'il y a eu pas mal de mouvements. Hein. Des mouvements comme ça, franchement, on en aurait. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si on en a autant que ça. Tu vas voir, la liste est assez longue. Hein. Et pas des D'accord. gens, et pas des petits gens, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on a Eddie Irvine. Bon, je sais ce que tu vas me dire, Eddie Irvine. Bon, c'est Irvine. Hein. Quitte Jordan pour Ferrari. Jean Alési quitte Ferrari pour Benetton. D'accord. Il y a eu Gerhard Berger, je sais jamais. Burger, ouais. Berger, voilà, ok. Merci. Kit Ferrari pour Benetton. Donc, il y a des sens un peu dans tout. Ça va un peu dans tous les Mais en sens. gros, les deux pilotes Ferrari sont allés chez Benetton, quoi, en Et gros. voilà, c'est ça. C'est exactement C'est ça. marrant. On a Alesi Berger. On a Coulthard qui quitte Williams pour McLaren. On a Pedro Diniz, je ne sais pas si tu te souviens de lui, Oui, je me souviens. qui quitte Forti, cette équipe Forti qui serait un peu le Minardi ou le Marussia d'aujourd'hui pour Ligier. On a Martin Brundle, on ne le cite pas souvent, mais ça a été un pilote, bon, il n'a pas marqué grand-chose, mais je sais que j'en ai souvent entendu parler, donc là c'est l'occasion. Qui quitte Ligier pour Jordan. Il y a Johnny Herbert hein, qui quitte Benetton pour Sauber. Il y a. Oh, celui-là va t'intéresser. Jos Verstappen. Ce petit. Ah, il était chez Stewart, non? Non, il était chez Pas Simtech. encore. Il était chez Simtech. Simtech. Et il passe chez Arrows. Il est pas chez Rose, d'accord. Ouais. Ah oui, Il il y y a Rose. a Luca Badoer qui quitte Minardi pour Forti. D'accord. Et les deux derniers qui sont complètement inconnus. En tout cas, pour moi, je les connais absolument pas. Montermini qui quitte Pacific pour Forti. Déjà, j'ignorais qu'il y avait une écurie qui s'appelait Pacific, mais soit. Je Et. connaissais pas Forti non plus. Si, si, Forti, si, si, Ça te dit quelque chose, d'accord. oui, ça me. Largement, mais disons que c'est tellement. C'est tellement petit en tant que. Bah, ils étaient motorisés par des Cosworth, donc. Tout est dit. hein, voilà. Et donc, il y a Gianni Morbidelli qui quitte Ah, je pour connais ce devenir pilote. pilote de réserve de Jordan. Ah, ben, moi, je ne le connaissais pas, Ah, absolument c'est. Ah, c'était un pilote de. Je sais pas s'il a fait de la voiture de tourisme avant ou après la Formule 1, mais je sais qu'il a eu une carrière en BTCC, en voiture Ah, tourisme britannique, et c'est. voire en WTCC. Oui, tu as tout à fait raison. Il a été donc en 98 au championnat BTCC, donc qui est le championnat britannique de voitures de tourisme, qui est l'équivalent du WTCC, mais en version britannique, avec une Volvo S40. Et je me Eh demande oui. même si ce pilote-là, il n'est pas dans le jeu. Tu te rappelles de ce jeu de vidéo Toka 2? Et oui, c'est bien pour Rappelle-toi. ça que je m'en souviens, Ah, parce bah que oui, j'ai mais. ce jeu et que. Oui, mais moi je m'en souviens pas, tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai pas dû jouer avec lui, c'est pas Et possible. du coup, c'est pour ça que je me souviens du nom de ce pilote. Ouais, avec la fameuse Volvo S40 qui était toute bleue, là, je sais pas si tu te rappelles dans le jeu, Ouais, elle était c'était. jolie. Ouais. Elle était jolie, ouais. Donc voilà, pour ces mouvements d'intersaison, hein, du coup, qui sont quand même assez énormes. Et on a quand même quelques pilotes qui ont arrêté qui ont arrêté la Formule 1. On a ah bah tiens on parlait du WTCC justement bah on va en reparler avec Gabriele Tarquini qui a participé à 38 Grands Prix entre 87 et 95 et n'a récolté qu'un seul point. C'est un peu la misère quand même. Ah Penalty. oui, alors qu'après il a eu Tout une carrière florissante qu'on connaît, à quoi. fait. Marc Blendel qui a fait donc 61 Grands Prix entre 91 et 95, 3 podiums et 32 points, c'est déjà un tout petit peu mieux. Attention, là on a quand même un gros. Il y a Nigel Mansell hein, qui s'arrête en 96, qui lui du coup a été quand même champion du monde 92, 187 Grands Prix, attention, 482 points, 31 victoires, 32 poles et 59 podiums entre 80 et 95. Donc ça met la claque à tout le monde. Hein. Ah Là, oui, je peux dire que là, bon. c'est un daron, un très bon Voilà, donc pilote. Nigel Mansell. On a le français, je sais pas si tu te souviens de celui-là, Bertrand Gachot, 47 Grands Prix et 5 points entre 89 et 95. Mais il est passé que par des tout petits écuries. Et je me demande s'il n'a pas gagné le Mans ou quelque chose comme ça. Oui, il a gagné le Mans en 91, voilà, c'est ça. D'accord. Je me souvenais de lui. Donc c'est pas un français par contre, c'est un Belge qui est devenu français ensuite, en 92. Donc Bertrand Gachot, je me souvenais bien de son nom, mais dans le Mans, donc comme tu sais, je suis un grand fan Des 24 heures, d'endurance. d'endurance en général. D'endurance, donc voilà, c'était logique. Ensuite, bon, il y a eu par exemple Pierluigi Martini, 129 Grands Prix entre 84 et 95, 18 points. Et on a eu, et puis je m'arrêterai pour les autres parce que bah, les autres sont pas très importants, il y a eu Aguri Suzuki. Donc, qui a été créateur ensuite de la fameuse écurie Super Aguri, ouais, je crois que c'était ça. Ah oui, et maintenant Hamlin Aguri en Formule E. Tout à fait. Ah bah, on rejoint ton domaine aussi de prédilection avec 64 Grands Prix, un podium et 8 points entre 88 et 95. Donc voilà pour l'aspect pilote. En ce qui concerne D'accord. l'aspect véhicule, voiture, hein, puisque tu sais que j'ai une énorme passion pour la technique, les voitures et les moteurs, on a donc La Scuderia Ferrari, toujours présente, avec, je te le donne entre mille, un moteur Ferrari, Ah voilà. oui. Entre les deux saisons, d'ailleurs, avant de revenir sur les écuries qui ont pu apparaître, disparaître ou continuer, ou changer de moteur, il y a eu des gros changements techniques. Alors, il y a eu des changements techniques, effectivement. Tu me prends au dépourvu parce que je les ai pas notés. Je sais que je les ai lus, j'ai même gardé la page, mais je dois avouer que je les ai pas Bon, absolument pas. c'est pas essentiel, Ah, c'est... si, si, si, Enfin, c'est important c'est important sur... quand même, c'est important. Mais du coup, c'est vrai que là, je les ai absolument pas notés. Je sais qu'il y a eu la règle des 107% qui est apparue à ce moment-là. Il y a eu également il y avait une séance de préqualification, donc sans doute ce qu'on pourrait retrouver en essai libre 3, mais qui était vraiment avant les qualifications, et du coup pareil, celle-ci a disparu. Je t'inquiète pas, hein, je vais faire mon boulot comme je dois faire mon boulot, c'est-à-dire que je vais te dire ça. En tant que règlement sportif, voilà, il y a plus de séance de préqualification, donc c'est bien ça. Les essais libres sont limités à 30 tours dans la journée. Donc le vendredi, c'était de 11h à midi, de 13h à 14h. Les essais libres sont limités également à 30 tours le samedi. Hein, pareil, 9h, 9h45, 10h15, 11h. Donc on se plaint aujourd'hui qu'il n'y a pas assez d'essais libres. Moi, je dis qu'à l'époque, il n'y en avait pas non plus des masses. Et les essais qualificatifs, c'était 12 tours. Hein, voilà, au moins c'est clair et net. Donc 13h, 14h le samedi. Voilà. Par Et donc. contre, je sais pas comment on peut se plaindre qu'il n'y a pas assez d'essais libres aujourd'hui. Ah, mais j'en comprends. Enfin, C'est ça le pire, c'est que j'en c'est comprends. assez fou. À part du côté des écuries, des fois, quand il y a une séance d'essais libres sous la pluie, elle manque de temps évidemment pour effectuer des tours et tout. Mais bon, souvent, c'est aussi le règlement technique qui veut ça pour préserver la mécanique, ce genre de problématiques qui se mélangent. Mais sinon, il y a assez de séances. Hein. Et puis, si ça peut provoquer un peu d'imprévisibilité, on va dire, assez aux écuries de s'adapter. Bah, heureusement qu'il y a cette séance, parce que si je prends l'exemple d'un Grosjean qui laisse sa place à Palmer le vendredi matin, si on se limite aux 30 tours dans la journée comme c'était le cas en 96, il y a un gros souci, quoi. Oui, bah oui, Ou, parce carrément. que le mec n'a même plus besoin de partir en Formule 1, je pense qu'il peut s'asseoir tranquillement dans sa chaise, il sait qu'il aura tout perdu déjà. Donc il y a les fameuses 107%, donc c'est-à-dire que c'est le dépassement du temps de la pole position égale supérieur, pardon, à 7%, donc c'est ce qu'on appelle les 107%, sauf évidemment sur décision de commissaire sportif, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, et c'est comme Oui. ça que d'ailleurs je crois que McLaren Mercedes a participé au Grand Prix en Australie, si je ne m'abuse, parce qu'ils étaient très loin les McLaren en Australie. Je dis peut-être une bêtise, mais il faudrait que je vérifie ça. Oui, et puis enfin ils avaient enfin les McLaren enfin la McLaren vu qu'il y avait non, il y avait les McLaren vu que Magnussen avait remplacé Et il y avait les Marussia de mémoire, il me Oui, semble. Non, mais c'était les Marussia, c'était pas les McLaren, c'était c'était les Mar Marussia. C'était D'accord. Marussia. Voilà. Et enfin, te rappelles-tu des mulets? Je viens Oui, juste cette je m'en petite souviens pause. beaucoup de ça, des mulets. Oui, ça m'a Alors, il y a eu marqué un ça. petit, oui, il y a eu un petit changement donc au niveau des mulets, puisque le pilote avait le droit, n'avait pas le droit de l'avoir pendant les essais qualificatifs. Bah là, c'est le cas cette saison-là, mais il n'avait toujours pas le droit lors des essais libres, si jamais il avait évidemment un problème sur sa Formule 1 officielle. Donc voilà. Ensuite, alors, au niveau des règlements techniques, c'est très simple, ça se tient en trois points. Premier point, la largeur minimale du cockpit est portée à 52 cm, donc 520 mm. Les parois latérales de protection des bords du cockpit en mousse anti-choc seront de 75 mm d'épaisseur, et il y a des parois de protection sur le cockpit montant de chaque côté du casque. Donc un renforcement au niveau de la sécurité, peut-être aussi par rapport en 94, je sais pas. Voilà, Oui, toujours est-il sûrement, sûrement que je dans pense que voilà, il y a eu un cette aspect. lignée. Oui, voilà, je pense. Il y a eu un aspect sécuritaire. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau des écuries, en fait, il y a eu deux écuries à se retirer du championnat. Il y a eu Simtek et Pacific Racing, donc qui vont parler à personne. Moi, ça me dit quelque chose. Ben, Simtek, c'était l'écurie du regretté Ratzenberger. On se souvient de cette écurie surtout pour ça. Oui, C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. t'as raison. Et Pacific, ça me dit quelque chose vaguement, mais c'était pas. pas une grosse Oui, écurie. non, non, c'était, voilà, c'est toujours le même souci, c'est des toutes petites écuries qui sont, là, par exemple, Pacific, c'était du Hillmore et du Cosworth, donc bon, faut imaginer, et puis bah, pareil pour Simtek, c'était aussi du Cosworth, ouais, ce Cosworth, là, c'était vraiment temps qu'ils se barrent qu'ils se barrent parce qu'ils ont jamais rien foutu ou ils ont jamais rien bien motorisé de... Oh, enfin, dans Ouah. l'histoire récente, non, mais si tu remontes aux années. Ouais. Aux années, je crois, 70, voire début 80, tu peux retrouver du Cosworth en tête de Ouais, liste, il d'accord, me ok. semble. Ouais. Ça me dit quelque chose, il y a très peu de temps, j'ai vu ça, donc c'est pour ça. Bon, écoute, si tu me le dis, je suis prêt à te croire. Mais bon, c'est vrai que dans les années après, que dans les années 90, c'est devenu le moteur du pauvre, hein, ça c'est clair. tout à fait, et puis il le faisait bien sentir que c'était le moteur du pauvre. Hein. Donc voilà, en termes de réglementation, pour les écuries, du coup, on est donc sur 11 écuries. Hein, là, on est à peu près dans la moyenne de... on est à peu près dans la moyenne de ce qui se fait, depuis pas mal de saisons. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on a Ferrari hein, avec la paire Schumacher-Irvine. On a 1207 Benetton-Renault hein, que tout le monde connaît évidemment, avec Jean Alési et Gerhard Berger. J'ai vraiment du mal avec celui-là. On a Rothmann Williams-Renault avec Damon Hill et Jacques Villeneuve. On a McLaren Mercedes, puisque c'est à partir de 96 que McLaren se motorise avec Mercedes officiellement. D'ailleurs, pour la petite histoire, McLaren Mercedes, son nom d'écurie officiel était Marlboro McLaren Mercedes. Ils aimaient bien comment dire, les marques de cigarettes à l'époque, avec donc Mika Häkkinen et David Coulthard. Hein, c'est à partir de ce moment-là qu'on retrouve cette paire de pilotes, qui a été assez emblématique, hein, de l'épopée, McLaren. Tout à fait. On a ensuite Ligier Gauloise Blonde, hein, je pense qu'on peut pas faire mieux comme nom, motorisé par Muguen Honda, qui fait ses débuts également sous cette appellation-là avec Olivier Panis et Pedro Diniz. On a Benson and Edge, pardon, Total Jordan Peugeot, hein, qui motorise du coup Jordan. Alors Benson and Edge, pardon, c'est aussi une marque de cigarette, avec Barrichello et Brundle, Rubens Barrichello et Martin Brundle. On a. Oh, bah dis donc, ça va t'intéresser. Sauber Ford. Donc, Sauber Ford, hein, ça jusqu'à là, tout va bien. Par contre, D'accord. son nom d'écurie s'appelait Red Bull. Sauber Ford. Eh oui. Et oui, je m'en souviens, Sauber Oui. Red Bull, bien sûr. Oui. Sauber. Ouais. Oui, effectivement. Avec Johnny Herbert, pardon, et Heinz Harald Frentzen. On le retrouve là, lui. On a Footwork Art. À Motor Art, donc, avec Ricardo Rosset et Jos Verstappen. Ah, le fameux Verstappen. Qui donnera naissance à un prodige. Tout à fait, exactement. On Oui. l'a vu en Autriche. Hein. On l'a vu en Autriche, hein. Je pense que c'est des pilotes comme ça qu'il nous faut en F1. Hein. C'est pas... Voilà. On a donc Tyrrell Yamaha, puisque Yamaha a aussi fait de la Formule 1, pas très longtemps, mais ils en ont fait un peu. Avec bon, Tyrrell, c'était déjà la fin. Hein. Là, ça sentait vraiment le roussi chez eux. Avec Katayama, pardon, et Mika Salo. On a Minardi, hein, qui est Minardi, voilà, avec un moteur Ford, avec Mika Salo et Pedro Lamy, ainsi que Giancarlo Fisichella, puisqu'ils se sont plus ou moins passé les choses dans la saison. Non, c'est pas Mika Salo, c'est Pedro Lamy et Fisichella, excuse-moi, j'ai sauté une ligne. Et on a Forticorse, avec un moteur Ford, avec Lucas Badoer et Andrea Montermini. Ah, il y Voilà a que pas pour. mal de petites écuries Ouais, parce quand même. On que. dit que maintenant on se plaint des fois, on dit les petites écuries, il faut qu'elles montent en puissance, mais non, mais c'est pas ça la Formule 1. Il faut de la compétition, de la concurrence, il en faut à tous les étages. Tout à fait. Et puis, parce qu'en dehors, au final, de Ferrari, Benetton, Renault, Williams, McLaren, Jordan, je sais même pas si on peut les considérer comme une grosse écurie, surtout qu'ils venaient juste. Enfin, c'était pas encore. Ça n'a jamais été la grosse écurie. Sauber, bon, bah, c'est Sauber, hein, voilà. Il n'y avait pas grand. Il n'y avait pas gros. Il n'y avait pas un gros paquet comme. Enfin, même aujourd'hui, hein, tu me diras, aujourd'hui, il n'y a pas non plus un énorme paquet d'écuries, à part. Ferrari, donc Mercedes, dans une moindre mesure Williams-Mercedes. Mais là, c'est pareil, on est à peu près dans les mêmes rapports de force. Beaucoup de petites écuries, de petites structures, avec des pilotes qui sont assez moyens, mine de rien. Ça n'a jamais été des grands pilotes, on le sait maintenant. Forcément, on a le recul aussi pour le dire. Mais ça n'a jamais été des grands champions du monde, à part évidemment derrière des choses comme McLaren avec Mika Hakkinen ou Damon Hill, on va le voir plus tard. Donc voilà, ça fait pas, c'est pas automatiquement, on n'a pas on n'avait pas un vivier de pilotes pour faire quelque chose d'énorme par la suite. Après, on peut aussi nuancer le propos parce que à l'époque, il faut bien se vous rendre compte, chers auditeurs, que c'était seulement le top 6 qui avait des points et du coup, et la réalisation n'était pas aussi, on va dire, sophistiquée que maintenant. Du coup, on voyait en priorité, même quasi uniquement, le top 6, voire le top 4, dans la course, quoi. Alors que maintenant, on a le top 10 qui est dans les points et du coup, on voit des luttes un peu partout parce que, par exemple, Tout une à lutte fait. pour la 12e place peut amener une lutte pour les points, etc. Du coup, on a une réalisation plus poussée. On voit beaucoup plus les pilotes. C'est pour ça qu'on a des pilotes comme par exemple ben Max Verstappen qui est chez Toro Rosso. À l'époque, on n'en entendrait pas du tout parler, j'imagine, hein, sauf si. Ouais. Enfin, je pense pas trop, pas autant que maintenant, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est aussi le phénomène de starification des médias, dont je parle assez souvent. Mais c'est vrai que maintenant, comme on le voit, comme on a de la visibilité, ben on parle de ces pilotes alors qu'avant on n'en parlait pas, quoi. C'est aussi ça qui nous donne cette impression, je pense. Et puis, pour aller dans le sens de ton propos, moi j'ai l'impression que ça fausse parfois, hein, justement, ces 10 places qui permettent d'avoir des points, ça fausse un peu, parfois, le vrai exploit des pilotes, parce que forcément, je prends un exemple, je sais plus quel Grand Prix Jean-Éric Vergne, quand il était encore chez Toro Rosso, est arrivé cinquième. Ça aurait eu certainement plus de retentissement à l'époque où il n'y avait que 6 places dans les points, plutôt que là aujourd'hui où à 10 places dans les points, bon, bah, ma foi, qu'il soit cinquième ou dixième, de toute façon, il va rapporter des points. Oui, c'est possible. Donc voilà, ça a moins de retentissement. Moi, je me rappelle, j'étais fou de joie devant ma télé. Oui, tu peux le noter, cette phrase-là. J'étais fou de joie devant ma télé quand Alési sur Prost Peugeot était sixième. Je sais plus quel Grand Prix il a été sixième. Il a rapporté un point. Moi, je pensais qu'ils allaient battre les Ferrari, quoi. Moi, j'étais tout Oui, tu petit aussi. m'étonnes. Un Donc forcément, point, un pour point, c'était certaines un point, écuries, quoi. Bien c'était sûr. le bout du monde, hein, c'était Tout à l'impossible. fait. C'est Tout pour à ça fait. aussi que. Enfin, d'un autre côté, la F1 de maintenant avec les 10 premières places, dans les points, c'est pas mal parce qu'on voit quand même plus d'écuries. Donc il y a certaines écuries Évidemment. qui se plaignent, mais qui en regardant en arrière devraient bien se dire que c'est quand même mieux qu'à une certaine époque en termes de visibilité Tout à fait. et on va dire de visibilité des écuries à la fois des pilotes également. Tout à fait. Donc, ensuite, petit récapitulatif de ce que l'on a avant ce Grand Prix de Monaco du 19 mai 1996. Ah, Il y avant a... ce récapitulatif, Ghislain, je te propose de faire une petite pause musicale, si tu le Bien veux bien. sûr, bien sûr, pas de Et souci. donc on va s'écouter du White Blues et vous aurez le titre de la chanson dans la description du podcast. À tout de suite, bonne écoute. Vous écoutez bien Analyse F1 et nous sommes de retour avec Ghislain pour cette chronique, pour ta chronique Ghislain, donc rétro Grand Prix ou rétro GP. D'ailleurs, tu veux qu'on l'appelle comment plutôt à l'oral ? Rétro GP, c'est plus simple, c'est plus court, c'est plus rétro GP. Rétro GP. C'est moins joli en termes de langue, mais bon, écoute, moi ça me va très bien. Non, rétro GP, comme ça, okay. C'est plus simple. Et voilà. Ben vendu, rétro GP. Donc on va parler de ce Grand Prix de Monaco 1996. Mais c'est important quand même de revenir sur ce qui s'est passé avant, sur l'essence même de cette saison pour mieux comprendre quel impact cette course va avoir justement. Tout à fait. Alors, justement, on revient donc quelques mois avant, puisque la saison débute le 10 mars avec le Grand Prix d'Australie. Hein. D'ailleurs, c'est la première fois que le Grand Prix d'Australie ouvre la saison de F1, et donc l'ouvrira pas mal de fois, sauf à quelques exceptions près. Donc c'est à Melbourne, le vainqueur c'est Damon Hill sur Williams Renault, et la pole d'ailleurs est effectuée par son coéquipier. Le 31 mars, on est au Brésil, sur le circuit d'Interlagos, toujours le même vainqueur, Damon Hill sur Williams Renault, la pole c'est Damon Hill qui réalise, et le meilleur tour c'est Damon Hill, donc il a fait le hat-trick, comme on dit dans le jargon. Donc le hat-trick c'est pole position, meilleur tour et vainqueur. Ensuite, le 7 avril, Grand Prix d'Argentine à Buenos Aires, donc un Grand Prix qui n'existe plus aujourd'hui, avec Damon Hill en tant que vainqueur, toujours, sur Williams Renault, avec une pole de Damon Hill et un meilleur tour de Jean Alesi. Et enfin, le 28 avril, le Grand Prix d'Europe, hein, celui qui est resté Grand Prix d'Europe pendant pas mal d'années avant d'être remplacé par Valence en Espagne, et qui se déroulait sur le Nürburgring, c'est Jacques Villeneuve qui remporte cette épreuve sur Williams Renault, avec une pole de Damon Hill et le meilleur tour de Damon Hill. Donc un début de saison 100% Williams et avec Damon Hill bien installé en tête du classement. Il y avait globalement en termes de performance, d'après les résultats, il y avait Williams tout en haut sur le papier quoi. Exactement, il y avait Williams, surtout un Damon Hill. Alors j'ai juste oublié un Grand Prix, tu m'excuses. Le 5 mai, Grand Prix de San Marin. Ah oui, il existait celui-là encore à Imola. Damon Hill regagne de nouveau sur la Williams Renault. Par contre, on a une pole donc de Schumacher et le meilleur tour c'est Damon Hill qui le réalise. Donc effectivement, on a une archi domination de l'écurie Williams Renault. D'ailleurs, je vais te dire franchement les choses, ça se voit tout de suite lorsqu'on observe le championnat du monde des constructeurs. Lorsque Monaco va démarrer, on a premier Williams avec 65 points. Et attention, accroche-toi bien, on a Ferrari à 25 points. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 40 points d'écart entre les deux, tout en sachant que à l'époque, la victoire valait 10 points. Ouais, c'est fou. Ça veut dire qu'il y avait 4 grands prix d'écart, quoi. 4 grands prix d'écart, c'est juste énorme, ils ont tué la concurrence. Hein. De toute façon, c'est clair et net. Alors, on a Benetton avec 3e avec 18 points, McLaren est en 4e place avec 9 points, Jordan est 5e avec 8 points, Tyrrell 6e avec 3 points, Ligier est 7e avec 1 point, et Footwork ferme la marche, si j'ose dire. c'était pas voulu, jeu de mots, mais... Footwork ferme la marche. Joli. J'ai pas voulu, j'ai même pas écrit, c'est venu comme ça. Alors, avec un seul petit point comme Ligier. C'est avec des blagues comme ça que tu t'intègres bien à mon podcast, je trouve, parce que j'en fais souvent de ce genre. Donc, Je sais, c'est pour ça, mais là, j'ai vraiment pas écrit, c'est venu comme ça, donc on va dire que c'est une fulgurance. Au niveau du classement du championnat du monde des pilotes, on avait Hill en première place avec 43 points, donc il arrive à Monaco en leader hein, naturel. Villeneuve était deuxième avec 22 points, Schumacher suit en troisième position avec 16 points, Alesi pas mauvais, hein, pour une fois, en quatrième avec 11 points. Irvine, cinquième avec 9 points. Berger, sixième avec 7 points. Barrichello, septième avec 7 points. Hakkinen, huitième avec 5 points. Et McLaren, Mercedes ne marchaient pas des masses. Hein. C'est pour ça qu'ils étaient quand même assez loin dans le classement. Coulthard était neuvième avec 4 points. Salo était dixième avec 3 points. Panis, Verstappen et Brundle ferment la marche avec 1 point chacun. Donc voilà l'état du championnat lorsqu'on arrive le 19 mai à Monaco. Sauf que le 19 mai à Monaco, il y a un problème, c'est qu'il flotte. Eh oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, il flotte tellement, il flotte beaucoup, que le Grand Prix s'ouvre sous une ambiance morose, ultra morose, puisqu'il ne fait que 17 degrés dans l'air. C'est extrêmement peu hein, à cette saison-là. Je ne sais pas si tu vois, le Grand Prix de Monaco se passe toujours pendant fin mai. Là, on a eu un temps exceptionnel cette année, comme l'année dernière. Et la piste est à la même température que l'air, hein. C'est-à-dire que même à certains endroits, la piste était même plus froide que l'air. Donc, pour faire chauffer les pneus et les mécaniques, je vous raconte pas la galère. On est à 81% d'humidité au moment du départ. C'est absolument, enfin, il y a un risque de pluie, quoi. C'est dantesque, c'est voilà. Bien. Moi, j'aime bien. Quand tu me dis ça, j'ai envie que le prochain Grand Prix, là, en plus, c'est en Angleterre. J'ai envie que ce soit la pluie là. Ça me fait envie, tu vois. On est en été, mais j'ai envie de pluie, tu vois. Oui, non, mais c'est vrai que du coup, c'est des conditions quand même qui ne se connaissent plus aujourd'hui à Monaco. Et c'est vrai que d'avoir ça, du coup, ça renforce l'aspect, on va dire, l'aspect héroïque qu'a pris et qu'a pris vraiment véritablement le Grand Prix de Formule 1 de Monaco 96. Donc voilà pour les conditions météorologiques, donc risque probable d'averse pendant la course, donc ils savent pas tellement parce que bon à l'époque 96 on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Donc voilà. Et il a pas plu durant les qualifs. Il avait plu pendant les qualifs, je sais pas. Je peux même pas te dire. J'ai pas d'informations sur ça. Bon, de toute façon ça se voit au. Je pense aux résultats des qualifs, hein, si c'est les mêmes qui sont devant, on peut légitimement peut-être présumer qu'il n'y avait pas de pluie. Alors, effectivement, au niveau des qualifications, puisque c'est de là dont tu fais bien la transition, du coup. Donc la pole position est assurée par contre par Michael Schumacher, voilà, deuxième pole de la saison après celle du Grand Prix de Saint-Marin, pardon. On retrouve juste derrière Damon Hill sur Williams Renault. Jean Alesi se classe troisième sur Benetton Renault. Et Gerhard Berger sur la seconde Benetton Renault complète la deuxième ligne. En troisième ligne, on retrouve David Coulthard cinquième sur McLaren, suivi de Rubens Barrichello chez Jordan Peugeot. Septième complété avec Irvine et Hakkinen, donc chez Ferrari et McLaren Mercedes. Neuvième et dixième, Frentzen et Villeneuve. Donc Villeneuve était quand même classé assez loin. Il a raté sa qualif. Hein. Oui, il a totalement raté sa qualif. À Monaco, ça pardonne pas. Voilà, c'est ça, on est quand même sur un circuit très particulier. 11e et 12e, Salo et Verstappen, donc sur Tyrell et Arrose. 13, 14, Herbert et Panis sur Sauber et Ligier. Panis dira d'ailleurs qu'il sentait bien ce circuit. D'ailleurs, il déclara qu'il était assez déçu quand même et qu'il attendait mieux de sa monoplace qu'il ne sentait pas vraiment. voilà. C'est marrant. 15e et 16e, Katayama et Brundle sur Tyrell et Jordan. 17, 18, Diniz et Fisichella sur Ligier et Minardi. 19, 20, Lamy, Rosset sur Minardi à Rose. Et 21, 22, Badoer et Montermini sur les deux Forti qui ferment la marche. Donc voilà le classement total. À signaler quand même que Michael Schumacher réalise l'exploit, et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, de qualifier Ferrari en première position, puisque c'est la première fois depuis 1979 que Ferrari qualifie une voiture, une monoplace rouge à Monaco. Ça n'était pas arrivé depuis 1979, et je vais même t'étonner en disant que la dernière victoire remonte à 81 avec Gilles Villeneuve. Oui. Et là, on parle de crise en ce moment, mais c'est vrai qu'avant les époques Schumacher, c'est vrai que Ferrari, c'en était une belle de crise quand même. C'était assez spectaculaire. Il y a eu l'apogée Prost, mais Prost, il a même pas gagné en fait chez Ferrari. Il a pas eu. Il a gagné des grands prix, mais pas de titre. Oui, mais il a pas de titre. Voilà, c'est ça. Donc. Et puis, évidemment, on observe quand même une progression, mine de rien, de Jordan, puisque le fameux Jordan Peugeot, bien qualifié avec 6e place de Rubens Barrichello, hein, quand même, qui semble progresser. Bon, on verra qu'après, c'était pas tout à fait ça, mais en tout cas, il y avait une belle progression. On rappelle quand même que Jordan Peugeot était 5e, hein, à un point seulement de McLaren, donc comme quoi. Ah, mais Jordan, ça a toujours été. Enfin, Jordan, quand c'était. Fin des années 90, voire début 2000, c'était l'écurie qui arrivait dans le top 6 régulièrement. C'était une sorte de valeur sûre du peloton, hein. Rien de plus, rien de moins, voilà, avec quelques fulgurances. Voilà, et puis ils ont disparu un peu voilà, dans l'indifférence générale, alors que ça aurait pu être une écurie si elle avait été mieux gérée, avec des moteurs mieux choisis. Enfin, c'est toujours le problème d'être client, surtout ces dernières années, je trouve. Voilà, tu n'as plus la même, entre guillemets, liberté que tu pouvais avoir avant, où tu pouvais peut-être truster des places supérieures. Donc, mais bon, ça, c'est un autre débat. On se resitue, nous, à Monaco, puisque nous sommes le dimanche. L'ambiance est très fraîche pour la saison. La piste est détrempée. Donc, tout le monde part en pneus sculptés, hein, donc les fameuses pneus pluie. Autant te dire qu'on risque d'avoir quelques. On est à Monaco, hein, donc pour les gens qui. Pour les auditeurs qui nous écoutent, Monaco, c'est un circuit ultra, ultra, ultra sélectif, puisque vous avez le malheur de vous approcher un peu trop près des rails de sécurité. Vous êtes foutu. Et vous allez voir que le Grand Prix de Monaco n'a pas été avare en exemple. Et juste avant de commencer ce Grand Prix, j'aimerais juste signaler qu'on était sur des moteurs V12. Imaginez la puissance la puissance de ces Formule 1, hein, V12. Quand vous devez faire passer 12 cylindres de folie au sol, je vous laisse juste imaginer les catastrophes que ça va donner. L'accélération, Oui. ça doit être Et ben juste dingue. justement, tu en parles. Il y en a un qui s'est fait surprendre comme ça, et pas des moindres. On va y revenir tout à l'heure. Donc effectivement, c'est pas rien, et au-delà du fait que ça n'est pas rien, évidemment, Monaco, c'est Monaco, quoi. C'est le Grand Prix, c'est the place to be, j'ai envie de dire. C'est là où tout le monde doit se montrer. Évidemment, tout le monde doit être à son aise, essayer de voir qu'il est là, tout simplement. Donc voilà, le circuit de Monaco, il est presque inchangé depuis pas mal d'années, avec ces fameux virages au nom si évocateur, Sainte-Dévote, Mirabeau, le portier, le tunnel, le tabac, la piscine, la rascasse. Et voilà, donc c'est des noms forcément qui évoquent forcément des choses aux gens. Je signale quand même que Monaco, c'est 6 fois gagné par Ayrton Senna, qui possède encore le recordman de victoires sur ce circuit, hein, Stade Prince, le petit prince de Monaco, comme on l'appelait. Rosberg est bien parti, je pense, Oh, oui, ouais, mais faut avoir. Mais après, c'est vrai que Il y enfin, a Prost, hein, 5 fois, hein, quand même, hein, Prost, hein, attention, 5 fois. c'est là qu'on voit les grands champions, quoi. Parce que Monaco, c'est vraiment le circuit à tout point de vue, quoi. Tout à fait. Voilà, de ce que moi j'ai pu voir, lire, ça et là, ça reste quand même de se faire remettre la coupe, la coupe de la victoire par le prince, donc régné à l'époque, mais aujourd'hui le prince Albert, apparemment, c'est toujours un. Bon, on trouve ça, nous, un peu kitsch, forcément, puisqu'on n'a pas, ce recul-là, mais bon, apparemment, ça reste. Et puis il y a surtout plusieurs pilotes qui sont monégasques, hein, c'est ça qu'il faut dire, c'est que forcément, Monaco. Bah, je vais pas y aller par quatre chemins. Ce sont des riches, et forcément, il y a toujours eu des pilotes de Formule 1 à habiter à Monaco, comme par exemple, bah, Rosberg, hein, sans aller plus loin, puisque je parlais de lui tout à l'heure. Mais bien entendu, beaucoup d'autres, je me demande même si Senna y habitait pas de mémoire, je sais plus. Bref. Hamilton y habite. Hamilton y habite, oui, puisqu'ils sont dans le même immeuble en plus. Donc voilà. C'est dans le même immeuble. J'imagine la scène le matin pour aller vider la poubelle, enfin bon. J'imagine, tu sais, quand l'année dernière ça se fritait à moitié, il met ses poubelles juste devant, histoire que ça sente bien. J'imagine bien, là, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc Bref. voilà où est-ce qu'on en est. On va faire des sketchs en fait. Tout à fait, ouais. Voilà où est-ce qu'on en est pour ce Grand Prix de Formule 1 96. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, le Grand Prix commence. Et là. Damon Hill, qui est du bon côté de la piste, puisqu'il est second. Hein, je vous rappelle que le mauvais côté, en général, c'est la pole position. Donc, il est du bon côté de la piste. Il prend directement l'ascendant sur Schumacher, qui, je vous rappelle, était en pole position à ce moment-là. Et tu vas rigoler. Tu vas beaucoup rigoler, Ah. puisque Jos Verstappen se crash à Sainte-Dévote, c'est-à-dire au premier tournant. Je te jure, tu vois les images, t'es écroulé par terre. C'est pour ça qu'on dit tel père, tel fils. C'est pas pourquoi. Oui, Je te jure, tu regardes les images, je te passerai le lien. Ah, mais je te crois, Tu pourras j'ai même, tu pourras confiance. peut-être même mettre ça dans les notes de l'émission, de la chronique. C'est absolument irrésistible. Il se plante, il est, enfin voilà, il tire tout droit et boum, il assemble des votes et puis il fait tout droit comme. Après, on s'acharne, mais voilà, c'est pour représenter, hein. C'est même si on pense pas forcément du bien de Verstappen, que ce soit père ou fils en tant que pilote, mais voilà, c'est pour rigoler. Donc ne vous affolez pas si vous aimez bien Max Verstappen ou Jos, hein, c'est pour rigoler après. Ah, moi personnellement, le fils, j'aime bien. J'irais pas te dire que c'est mon pilote préféré, mais son agressivité, le fait qu'à 17 ans, bon, même s'il n'est pas très charismatique, je trouve, et qu'il a un peu le charisme d'un poisson rouge, moi Ouais, je. il a. Ah, je trouve qu'il a quand même, il a quand même son caractère quand même. Il a quand même bien le melon et tout. C'est au moins on pourra pas lui reprocher de, je pense, de comment Oui. dire, de rentrer dans le moule et de rester dans de l'eau tiède, enfin. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que du coup, voilà, on est sur quelque chose d'assez. On est sur des pilotes qui sont assez nerveux aujourd'hui, même si Sainz, qui a à peu près son âge, n'est pas aussi, n'est pas aussi débordant de vitalité que son copain d'écurie. Ah ben, Donc, c'est la différence d'expérience. il y a ça aussi. Donc du coup, effectivement, Verstappen se plante juste dans le premier tour, donc même le premier virage, donc on va pas dire qu'il ait fait une grande course, encore celui-là. Donc juste après, on voit que le rythme des monoplaces sur ce premier tour est extrêmement bas, puisqu'il pleut encore une fois, et que ces monoplaces sont une adhérence de merde, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, ils ont tellement une adhérence de merde que ce petit Schumacher, ce grand Schumacher, puisqu'il avait déjà deux titres de pilote, amorce le virage du portier. Tu sais, ce fameux virage où tu descends, t'es à moitié. Alors, t'es juste après l'épingle de cheveux. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, Là où tu s'était descends. planté Senna en Exactement. Bah, il se plante à peu près au 88. même endroit. Voilà. D'accord. Et il se plante, mais alors, pas beaucoup, si tu veux, parce que tu sens que tu pouvais rattraper la voiture. Mais lui, il pouvait pas. Et D'accord. il dira d'ailleurs que c'était à cause de ce fameux V12 qui avait des remises de gaz trop nerveuses. Et donc, du coup, à rattraper. Bah... Donc, Schumacher est out dès le premier tour. Au moins, c'est classé, c'est fait, c'est foutu, c'est fini. Il verra pas l'arrivée. Donc, Ok. son V12 est peut-être égal au V6 turbo de Raikkonen qui fait des siennes depuis quelques Grands Prix. Ouais, il Donc n'y a pas voilà, que le V6 turbo, hein. Il y a aussi le pilote. c'est bonhomme, merde. Hein. Et donc, ouais, du coup, Damon Hill, là, il est bien parce que ça fait un rival de moins. Eh ben oui, ça fait quand même un rival de moins. Et puis bon, on va pas dire que derrière, il y a grand chose derrière. Juste avant quand même de finir ce premier tour, évidemment, on va accélérer un peu plus vite, on va pas rester sur le premier tour. Mais l'ami physique, elle s'accroche. Donc voilà, là, ça s'est foutu, ça s'est fait. Et il a deux derrière lui, du coup. Allez-y, Berger, pardon, Irvine, Frentzen et Coulthard. Et Villeneuve, donc, était dixième et passé en septième position. Il y a quand même cinq abandons pour un premier tour. C'est quand même assez énorme. J'en ai oublié un, je crois, de mémoire. Je me demande si j'ai pas oublié. Non, non, j'ai oublié personne. Donc c'est bien ça. Donc voilà, D'accord. on voit qu'on a des conditions de course quand même assez dantesques, avec une route, un circuit, enfin, qui est absolument, qui est pas praticable en soi. Ensuite, on a Katayama qui abandonne au troisième tour, 13e. Donc Katayama abandonne à cause d'un problème d'accélérateur. Ensuite, qu'est-ce que l'on a comment dire, parce que j'ai des notes un peu en pagaille avec tous les tours. On a quand même 15 secondes d'avance de Hill sur Alési, puisque Hill et Alési donc se suivent. On voit en fait au fur et à mesure des tours, c'est très marrant à regarder, puisque au fur et à mesure des tours, on voit que le Alési, vraiment il y va, mais tranquille quoi. C'est vraiment, je lève le pied quoi. Il est tranquille quoi. Il veut pas prendre de risques et du coup, bah, l'avance de Hill sur Alési augmente jusqu'à atteindre quand même 15 secondes à 10 tours. Plus 10 tours, c'est quand même rien du tout. Il est déjà à 15 secondes, Hill, d'Alési. Ce qui est quand même. C'est là que tu vois aussi l'énorme confiance de Damon Hill en ce début de saison. À mon avis, ça a oscillé parce que Oui. Oui, parce que, autant Damon Hill roulait plus ou moins au pas, hein, puisqu'il faut le dire, il n'était pas non plus hyper rapide, il était D'accord. quand même sur des temps qui n'étaient pas très rapides, autant il arrive à semer allez-y presque avec facilité, quoi. Donc, bon, c'est vrai que du coup, ça laisse. T'as du mal à te dire aujourd'hui, même quand il y a de la pluie, ça y va, quoi. Ça y allait même trop, mais voilà, on va dire que c'est assez conséquent, on va dire, 10 tours, 15 secondes d'avance. Voilà. On va avancer un tout petit peu le Grand Prix, le film du Grand Prix. On va s'arrêter au 27e tour, puisque c'est le. Alors, je vais juste préciser, excusez-moi, je précise, 22e tour, 24e, pardon, tour, allez-y, c'est 22 secondes de retard sur île. Hein, donc, c'est-à-dire que 22 secondes, c'était à peu près un arrêt au stand. Donc là, il pouvait le griller aux arrêts au stand sans problème, il pouvait repartir devant sans trop de soucis. Alors, je dis 22 secondes, mais normalement, c'est entre 23 et 30 secondes. Surtout qu'à l'époque, il y avait comment dire, les ravitaillements en essence. Oui. Bon. Je suppose que c'est un tout petit peu plus, mais on va dire que 22 secondes, ça laisse quand même une marge confortable, hein. C'est-à-dire que même s'il ressort derrière, il va pas se manger 5-6 secondes dans la figure. Donc voilà. La piste sèche au fur et à mesure, hein, puisque c'est naturel, hein, ça sèche forcément puisqu'il n'y a pas de flotte, et puis ça sèche parce que les monoplaces passent au fur et à mesure, et Frentzen s'arrête au 26e tour, et chose du coup des pneus slick, donc pour son arrêt au stand. Ah oui, carrément. Donc Ah oui, donc ça veut dire. c'était bien sec ou c'était un pari de sa part? C'était le premier à le faire? C'était le premier à le faire, hein, et du coup, bon, il est avant-dernier, hein, on va pas dire qu'il va réussir grand-chose, Ouais. mais c'est vrai que du coup, tu sais, dans ces moments-là, il y a toujours le pari de se dire, je vais rentrer, j'ai rien à perdre, je vais rentrer, je sais que je peux y aller avec mes pneus slick, même si c'est pas, il va chercher, je pense, tu sais, toujours les trajectoires qui sont sèches et non pas mouillées. Et on a souvent vu des pilotes qui sont remontés comme des balles parce que eux, ils avaient des pneus slick et les concurrents avaient des pneus sculptés, donc des pneus pluie et du coup avançaient beaucoup moins vite que les pneus slick. Donc forcément, il est rattrapé comme des balles. On a souvent vu, je crois qu'il y a eu Button, hein, le dernier qui a fait ça, qui est remonté sur comme une balle. Je crois que c'était Grand Prix de Chine de je sais plus quelle année, 2011 ou 2012, où il est remonté comme une balle. Et je crois qu'il avait même fini par gagner le Grand Prix. Ah oui, mais il y Donc, en a eu plein dans il y en a eu l'histoire. plein. Alors, c'est Genre, celui il y a qui. eu Spa 2008, ou 2009, je sais plus. Spa, là où il y avait Bourdais et Vettel ensemble chez Toro Rosso. Je crois que c'était Spa 2008, 2008, ouais. où il y C'était avait eu deux derniers tours de folie à ce propos-là. Oui, ah oui, je me souviens, d'ailleurs, Bourdais avait pas failli accrocher une bonne place et puis il avait abandonné, je crois qu'il était cinquième ou un truc comme ça. En fait, il avait failli, je crois, faire podium et comme il s'était pas arrêté, eh Oui. ben, il a fait un peu plus loin dans le classement, quoi. Oui, je me souviens, tu vois, ça me revient maintenant, que tu me dis ça. Donc. Mais du coup, ces stratégies, ça, sur ce genre de circuit, c'est valable. Tu peux facilement aller chercher la trajectoire sèche, mais j'imagine à Monaco, il doit Ah. falloir une précision d'orfèvre pour se mettre sur la ligne sèche, la seule ligne, quoi, sèche entre les rails. On est tout à fait d'accord. C'est pas du tout le bon plan si jamais t'es pas sûr de ce que tu fais. Ouais. Cependant, Frenzen, et tu vas rigoler, bat le meilleur tour en course de 10 secondes. Waouh, Voilà. c'est bien ça, c'est très bonne performance. Voilà, exactement. Du coup, tout le monde s'arrête, non? Ah bah oui, du coup tout le monde s'arrête. Donc 27e tour, il s'arrête au stand et donc mais ses pneus slick, hein, du coup. Il sort en deuxième position, donc je te le disais tout à l'heure, hein, juste derrière Alesi. On a Irvine qui s'arrête, il y a Panis, il y a Brundle, bref, il y a une palanquée de pilotes qui s'arrêtent. D'accord. Villeneuve s'arrête juste un tour après. Et donc ensuite, au 30e tour, il dépasse carrément Alesi à l'accélération, juste après Sandevoort. Et c'est à ce moment-là que Frentzen fait le meilleur tour en course, mais je crois que c'est son seul fait d'arme pour cette course-là. Alesi s'arrête un tour plus tard, lui, du coup, hein, pour mettre ses fameux pneus. Coulthard et Herbert également, ça s'arrête. Et on a l'abandon de Brundle qui part carrément en tête à queue au niveau du casino et il tape sa monoplace par l'arrière. Il a voulu repartir, mais sa monoplace étant tellement endommagée, il est resté bloqué carrément en pleine trajectoire. Tu devrais voir la vidéo, c'est absolument énorme. Donc voilà. donc on va dire des conditions de course qui s'améliorent au fur et à mesure, hein, voilà. On a un Panis qui est très en forme parce qu'il enchaîne les tours de course, hein, il les enchaîne, ils enchaînent, ils enchaînent, et les meilleurs tours, il est bien meilleur que Hill d'ailleurs, puisque le classement au 33e tour, c'est Hill, Alesi, Irvine, Panis, Coulthard, Herbert et Villeneuve, hein, donc on a ces pilotes-là qui sont réunis. On avance D'accord. un peu plus sur l'un des dépassements que je trouve les plus osés en Formule 1. Pourquoi? Parce Oh, que, carrément. oui, j'ai pas honte de le dire, parce qu'au 35e tour, Ouais. on est dans le virage, donc je te laisse imaginer, circuit de Monaco, on est dans ce fameux virage du Grand Hôtel, que je te dise pas de bêtises, oui, du Grand Hôtel, oui, à chaque fois je vais confondre les virages. Le Grand Hôtel, c'est la fameuse épingle qui se passe à 60 km à l'heure, grand maximum, et que Raikkonen a bien goûté l'année dernière, par exemple. Et donc, ce virage-là, alors Panis arrive à l'intérieur, d'accord? Donc, tu imagines Panis. Ouais, j'imagine. Irvine est juste à côté. Donc, Panis veut le passer à l'intérieur, mais enfin, tu te doutes bien qu'à l'intérieur du virage du Grand Hôtel, t'as pas beaucoup de place, quoi. Bah, alors, ce que fait Panis, bah, écoute, si j'ai pas beaucoup de place, bah, je vais le pousser. Bah, il l'a poussé. Et donc, on voit Irvine qui tire tout droit, alors, qui tape un peu le mur d'ailleurs, il tire tout droit, boum, voilà. Donc, une telle manœuvre aujourd'hui, j'aime autant vous le dire, que ça serait sanctionné d'au moins un grand prix d'exclusion, si ce n'est plus. Parce qu'une manœuvre comme ça, je peux vous assurer, amis auditeurs et Julien, qu'une manœuvre comme ça ne sait, je ne pense que ça ne peut plus se voir aujourd'hui, vu comment les mecs sont hyper casse-couilles avec la sécurité et la réglementation. Ça n'est. Ben, ça dépend de leur humeur, hein. Ils sont tellement variants à ce niveau-là. On l'a vu au dernier Grand Prix de Monaco, hein. Je Ils sont pas logiques dans suis d'accord, mais leur décision. là, il faut voir pour le croire, parce que c'est absolument, comment dire, enfin, il le touche, quoi. Il le touche. En gros, ça serait un peu la manœuvre de Bianchi de l'année dernière sur, je ne me rappelle plus du pilote, c'était Kobayashi, je crois, un truc comme ça. Je sais Ouais, c'était ça, ouais. plus. Oui, c'était Et ça. qu'il avait Et été pénalisé de 5 secondes pour ça, d'ailleurs, je crois. voilà, et qu'il l'avait dépassé de manière assez autoritaire, d'ailleurs à l'intérieur du virage de la Rascasse, hein, Narrascas, si je ne c'était m'abuse. magnifique. Et moi, j'aime bien ce dépassement. Ah, Et là, le c'est. dépassement de De Panis sur Panis. Irvine, comme tu me le racontes, enfin, c'est le pilote qui est à l'intérieur, il a raison, parce qu'il a, Tout il à a, fait. il s'est engouffré, et Tout à Irvine, fait. il doit mesurer le risque Ah et ben, laisser passer, quoi, à la limite. Parce il qu'il a n'y a pas pas. de place, de toute façon, donc. Bah, il l'a pas, il l'a pas, il l'a pas, si tu veux, là, Irvine l'a carrément pas mesuré, quoi, parce que il l'a pas laissé assez de place, et donc, du coup, bah, il finit dans le mur, hein, forcément. Cependant, à l'époque, tu pouvais repartir si jamais les commissaires te poussaient, donc, du coup, il est reparti et il rentre dixième. Et d'ailleurs, D'accord. pour la petite histoire, ça va te faire rigoler aussi, il va re-rentrer au stand et il cale, c'est clair. D'accord. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc, le pilote Ligier, donc Panis, donc Olivier Panis, est très très rapide puisqu'il enchaîne encore une fois les meilleurs tours. Pendant ce set de tours-là, il a le meilleur tour à chaque fois. Sauf qu'au 40e tour, coup de théâtre, là c'est le cas de le dire, le leader, Damon Hill sur Williams Renault, explose son moteur Renault. Oui, je sais, ça va faire sourire les gens, c'est un moteur Renault, vous avez l'habitude qu'il tombe en panne. Et effectivement, là, il est tombé en panne. Et il a carrément explosé, donc grosse fumée blanche dans le tunnel, hein, qu'on voit bien avec les images. D'accord. Donc voilà, au moins c'est clair et net. Il avait quand même 27 secondes, hein, Mais d'avance. du coup, on n'a pas un Français là en tête, voire deux Français sur le podium provisoire? C'est bien, j'aime bien, parce que tu suis tout ce que je dis, c'est excellent ça. Bah oui, je t'écoute quand même. Non, je rigole. Effectivement, on a un Français, mais pas qu'un seul Français, on a deux Français. On a Alesi et Panis. Oui, monsieur. Et oui, on est à la fête aujourd'hui. On a Alesi et Panis, donc qui sont premier et pour l'instant deuxième de ce Grand Prix. Ah oui, premier, deuxième en plus. Tout à fait. Donc. Et du coup, l'ambiance morose que tu décrivais, elle devait être un peu plus à la fête dans les gradins, non? Je pense, oui, je pense que dans les gradins, ça devait pas mal encourager les pilotes. Hein, donc voilà, je pense qu'il y avait, enfin, tu le sens dans le ton des commentateurs de TF1 qui m'a servi donc de base pour préparer cette chronique. Hein, parce que Ouais. j'avoue quand même ne pas être parti de rien du tout. J'ai eu pas mal quand même d'aide de la part juste en regardant le Grand Prix, déjà, ça aide pas mal. Et donc, du coup, effectivement, tu sens qu'il y avait une chaleur, une certaine ferveur par rapport à ça. Donc, 27 secondes d'avance sur Alesi, quand même, qu'il avait au moment où il abandonne. Et au 41e tour, c'est Panis qui a failli se mettre dans le décor parce qu'il, c'est con, il dérape sur l'huile qu'a laissé Damon Hill. C'est wow, bête. Dans le tunnel en plus. Ouais, c'est... dans le tunnel, ouais. Et il se rattrape de justesse et il repart deuxième. Deuxième. Au niveau du classement, ça donne Alesi, Panis, 31 secondes d'avance quand même, hein, mine de rien. Coulthard, qui est troisième, mais seulement à 3 secondes de Panis, hein, donc qui est pas loin. Herbert, Villeneuve et Salo qui complètent donc, du coup, le top 6. À ce moment-là de la course, tiens-toi bien, il reste 9 voitures. Oh, wow. Oui, c'est une hécatombe. J'ai pas cité tout le monde, bien entendu, parce que la moitié est pas très intéressant, hein, je dois vous l'avouer. Mais on a quand même, sur les 22 voitures de départ, on a déjà que. On en a plus que 9, quoi. Donc il y a 13 voitures déjà out. Donc la moitié du plateau est déjà fichu. Ensuite, bon, on commence à approcher de la fin du Grand Prix. Déjà, on est à la mi-course, déjà, premièrement, puisque je vous rappelle que le Grand Prix, à l'origine, c'est 78 tours. Hein, c'est pas rien. 78 tours et. Donc sur un circuit de 3 km 328. Sauf mais ça va pas aller au bout des 78 tours, ça va faire 2 heures, non ? Oui, ça fait effectivement, c'était bien bien joué, c'était bien la règle des 2 heures à l'époque. Et effectivement, même toujours aujourd'hui c'est 4 heures de mémoire. Non, aujourd'hui c'est 2 heures sur le temps effectif de Grand Prix et 4 heures en tout en cas d'interruption drapeau rouge. Oui, donc voilà. Donc voilà, ça n'ira jamais jusqu'au bout, hein, ça s'arrêtera avant. Donc 78 tours qui seront ramenés, qu'on ramènera en fait à 75 tours hein, au final. Ah ouais, quand même. Donc on est arrivé aux 2 heures. Donc Alesi mène toujours la course. Donc franchement, Alesi, pour le spectateur de l'époque, il pouvait y croire, hein, il pouvait vraiment y croire. C'était le pilote le plus rapide. Il avait quand même de l'avance par rapport à Panis. Preuve en est au 54e tour où du coup il ressort en tête. Hein, il va au stand donc pour ravitailler. Il ressort en tête avec quand même 12 secondes d'avance sur Panis. Donc comme quoi entre guillemets il avait vraiment sa chance de pouvoir faire sa deuxième du coup victoire de sa carrière hein, puisque je rappelle qu'il a gagné. Une première fois, sauf qu'au 59e tour, ça ne va pas se passer comme ça. Il compte 18 secondes d'avance, il rentre au stand, il reste très longtemps au stand, il change de pneu, mais il repart après. Donc ça veut dire qu'au stand, il y a eu un petit problème et qu'il repart en 7e position. Donc allez-y. 7e position ? Tout à fait, monsieur. Mais ils ont fait quoi ? Ils ont préparé le café ? Je sais pas. Je ne sais pas. Résultat des courses, qui devient naturellement leader dans le truc ? C'est pas Nice, hein, forcément. En fait, il a une crevaison lente. Donc forcément, crevaison lente, qu'est-ce que t'imagines toi avec une crevaison lente ? C'est qu'il faut bien changer le pneu, puis il faut bien qu'il rentre au stand, et puis il faut bien que... Enfin voilà, je veux dire, c'est une crevaison, hein, je vais pas te faire de dessin. Donc du coup, il repart, mais il perd la tête de la course. Sauf que une crevaison, ça fait jamais qu'une crevaison. Alors aujourd'hui, une crevaison, ça fait plus grand-chose. Par contre, il faut imaginer qu'à une certaine époque, les crevaisons, quand vous avez une crevaison, vous deviez prier très fort Saint-Ferrari de toutes vos forces, parce que je peux vous assurer que vous aviez au moins un problème qui arrivait dans les prochains tours, si ce n'est juste avant. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à Alesi. J'allais dire Alonso, n'importe quoi. Au 60e tour, il abandonne puisque il a un problème de suspension, tout simplement. Donc voilà, tout simplement, il va abandonner sur ce qu'il allait quand même être l'un des meilleurs Grands Prix de sa carrière, hein, qui reste toujours l'un des meilleurs Grands Prix de sa carrière, parce qu'il était l'homme fort, hein, tout simplement. Faut imaginer qu'il y avait Schumacher en moins, il y avait Damon Hill en moins hein, aussi. Hein, donc voilà, ça allait être le victorieux naturel. Forcément, Panis, lui, il tourne, hein, il continue de tourner toujours. Il mène devant Coulthard et Herbert. Ensuite, au 66e tour, c'est Villeneuve qui accroche avec Badoer. Parce que Villeneuve allait prendre donc du coup un tour à Badoer. Et du coup, Badoer, qu'est-ce qu'il décide de faire? On est au virage Mirabeau. Alors le virage Mirabeau, c'est juste avant la grande épingle, le fameux virage que Rosberg aime tant, pour ceux qui Oui, connaissent. Hein, d'accord. donc au virage Mirabeau, et donc Villeneuve veut prendre un tour à Badoer, sauf que Badoer lui ferme la porte et boum, forcément. Ah oui. Hein, c'est obligé que ça fasse ça au bout d'un moment, tu peux pas faire le choix, quoi. Donc Du coup, six voitures, il reste, si j'ai bien compté. oui, mais attends, Donc, c'est pas les fini. six des points. Oui, les 6 des points, mais c'est pas fini. Attends. Ah, il y a encore qui abandonne. Mais oui, donc. Alors, non, à ce moment-là, on est toujours à 7 pilotes. 66e tour, on est à 7 pilotes en piste. D'accord. J'ai noté à chaque fois, sinon c'était infernal à suivre. Et Panis résiste toujours à Coulthard. Hein. Ça, il faut quand même le signaler. Panis est sur une modeste Ligier. Hein. Il faut juste imaginer ce que c'est Ligier à l'époque. Hein. Pas grand-chose. Et donc compte 3 secondes d'avance sur Coulthard, et surtout Panis fait pas d'erreur, quoi. Et on est sur une piste, même qui s'assèche, on est quand même sur une piste qui est toujours plus ou moins piégeuse, d'accord? Donc ensuite le problème, c'est que le temps qui change, c'est assez fréquent, et au 68e tour la pluie retombe de nouveau. Oh, ce Ça c'est bête, casse-tête. voilà. Attention, là on a un spécial strike. Je crois qu'au bowling on appelle ça un spare. 70e tour, Irvine part en tête à queue. Voilà, au même endroit que son coéquipier en début de course. Rappelez-vous donc Irvine, alors son coéquipier, hop là, que je me remette son nom en tête parce que je Ah, les ai jamais c'est avant. Schumacher. Sur Ferrari, mais j'étais parti chez quelqu'un d'autre. Donc, Schumacher est sorti au niveau du virage du portier. Ouais, c'est ça, du portier. Enfin, j'ai du mal. Ou du Mirab. Non, du portier, c'est ça. Et du coup, lui, il part au tête à queue, bah, au même endroit. Tant qu'à faire, autant pas se faire chier, quoi. Et il revient dans le bon sens de la piste, c'est ça le pire. Et le problème, c'est que le virage, il est complètement à l'aveugle quand vous venez d'un peu plus haut. Bah Oui, oui, c'est vrai. forcément, tu vois rien du tout, hein. Tu passes juste après l'épingle, tu vois rien du tout. Et Mika Salo le percute. Donc voilà, boum, deux pilotes en moins, d'accord? Attention, tu veux un troisième? Allez, je t'en donne un troisième. Hakkinen, hop, il était juste derrière, boum, allez hop, trois pilotes. Oh mon Dieu. Voilà. Donc voilà, on a trois pilotes quand même en moins. Et du coup, bah, Frentzen, l'avant-dernier de la course, rappelle-toi, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il récupère la quatrième place. Forcément, puisque bah, du coup il en reste plus que 4. Et donc il est quatrième et dernier en même temps, le pauvre. Il a vraiment pas de chance. Le Ouais, mais problème. quatrième, il prend, hein, je pense. Oui. C'est les héros de la course qui finissent, hein, Tout à fait, franchement. tout à fait. Attends, c'est pas fini puisque la pluie redouble d'intensité. Panis est véritablement menacé par Coulthard. La piste est de plus en plus mouillée et Frentzen abandonne au 74e tour. Pardon. Il Ah, il va finit rentrer au pas, champ. c'est pas un Ouais, héros. il finit pas et ça restera. Donc, si tu as bien compté, nous n'en sommes plus qu'à trois pilotes, les trois rescapés, Panis, Coulthard et Herbert. Et c'est au 75e tour que ce Grand Prix, au bout de 2 heures intenses, se termine. Donc 75 tours pour une distance totale de 249 km. Donc trois pilotes seulement ont franchi la ligne d'arrivée. Ça reste en fait encore aujourd'hui le plus petit nombre de pilotes à l'arrivée, tout simplement. Hein, Bah donc c'est c'est le magnifique, record. hein, c'est magnifique. Voilà. Panis, du coup, bah, vous l'avez compris, gagne ce Grand Prix sur sa modeste Ligier. Ça sera son unique et sa seule victoire en Formule 1. Il faut quand même signaler que Ligier ne gagne pas, n'a pas gagné depuis 81. Hein, voilà. Et Monaco sera la dernière victoire de cette écurie. Coulthard, lui, du coup, bah, monte sur le podium avec Johnny Herbert, qui d'ailleurs ne marquera qu'à cette occasion-là, à Monaco, 96. D'accord. Pourtant, il est chez Sauber, Herbert. D'accord. Ah, Sauber était pas top. Sauber, t'es pas. Enfin, tu parles de Sauber là quand Ah, ouais. même. Je sais, je suis méchant à chaque fois avec Sauber. Alors, tu me diras, on parle de Sauber avec Herbert, mais Frenzen, en fait, du coup, a ouvert son compteur de points, puisqu'il marque, du coup. Il marque les premiers points de Sauber avec son coéquipier Herbert, hein, du coup, puisque même s'il a abandonné, il a couvert, je crois qu'un espèce de système. J'ai pas creusé ça, je dois l'avouer. Il y a une espèce de système qui fait qu'il doit marquer, puisqu'il a fait 90% du Grand Prix ou un truc comme ça. Et donc, D'accord. du coup, bah, il rentre, comment dire, Dans les points. dans les points, donc avec cette quatrième Et place. du coup, le cinquième et le sixième, par contre, ils marquaient des points ou pas? Bah oui, ils ont Ouais. marqué des points, oui, bien sûr. Mika Salo, du coup, a pris ses 2 points, bah, ses 2 seuls points de la saison, ainsi que Tyrell d'ailleurs, pour la même Énorme occasion. performance, hein, Tyrell. Bah ouais, pour le coup. Et Hakkinen, parce que Tyrell, on se souviendra tous qu'après ça deviendra la British American Racing, la fameuse barre. Ah, ça c'est devenu bar. Oui, Je c'est me devenu souvenais barre. même pas, tu vois, tu Tyrell m'as. est devenu barre, motorisé donc par Honda. Bar Honda est devenu Honda. Honda est devenu Brown. Brown est devenu Mercedes. Mercedes est devenu Mercedes. Eh Ouais, ouais. donc on peut dire que C'est fou. aujourd'hui Tyrell est champion quelque part. Allez, on va dire ça pour la postérité. Par des liens généalogiques Oui. Ah bah, mécaniques. ça, il faudrait qu'on le fasse un jour, les liens généalogiques de la Formule 1, parce que je crois que quand on rentre dans les constructeurs et on commence à aller voir qui a succédé à qui, c'est juste énorme. Ah, c'est un concept, ça. Oui, c'est un Je concept. retiens. Ouais, tu retiens-le, retiens-le. Hakkinen réussit à sauver son petit point, hein, sixième, hein, quand même, de ce Grand Prix. Bah, du coup, naturellement, sixième, hein, forcément. Du coup, bah, il n'y a rien de. Enfin, j'allais dire qu'il y a une grosse pause au niveau du titre de championnat du monde entre Schumacher, Damon Hill et Jacques Villeneuve, hein, du coup, puisque bah, Ah personne oui, n'a. il n'y a aucun prétendant. Exactement, personne n'a pu scorer. Et puis, on pourrait simplement faire remarquer quelques petits chiffres, hein, puisque tu l'auras vu, je suis un grand amateur de chiffres. C'est la première victoire, on l'a dit, d'Olivier Panis. Tu vas rigoler parce que c'est le quatrième et le dernier meilleur tour pour Jean Alési. C'est dire ce qu'il en a fait beaucoup. Neuvième et dernière victoire pour Ligier. Cinquantième et aussi dernier podium, du coup, aussi pour Ligier. C'est la première victoire pour Mugen Honda. Hein, ça, faut le signaler. Et le 50e Grand Prix pour Mercedes. Voilà pour les chiffres officiels après la fin du Grand Prix. Et je ne résiste pas à l'envie de te lire, de narrer cette phrase que l'on entend de la bouche des commentateurs de TF1 pendant ce Grand Prix, où, selon le public allemand, Hans-Arend Frentzen a au moins un talent égal à celui de Schumacher et qui deviendra dans les prochaines années un champion du monde. Je crois que. Ah là, ça m'étonne même pas, tu vois. Je disais starification de maintenant, mais en fait, à l'époque aussi, du coup, ouais, ça, à l'époque aussi. Même sans parler de starification, donc le fait de dire Frenzen, non, c'est pas possible. Pas Frenzen. Non, il a rien fait, Frenzen. C'est même. Enfin, voilà, bon, Frenzen, quoi. Du coup. Ah, mais maintenant, y a des pilotes, sans parler que de Verstappen, hein, pour arrêter mon acharnement sur lui, mais Oui. pour parler d'autres pilotes, Je suis mauvais parce que Frenzen pour a parler comme. d'autres pilotes comme, par exemple, ouais, je sais pas, il y en a tellement où on dit, à plus tard, ils vont. Ben, Kevin Magnussen, admettons. Allez, Kevin Magnussen, c'est vrai, l'année dernière, on disait, sera le prochain Hamilton, c'est notre nouveau Hamilton. McLaren disait, et les médias ben, relayaient évidemment, c'est tellement bien de faire du clic en disant il est la nouvelle star de la F1, machin. Tout à fait, on est d'accord. Donc c'est fou, moi ça me sidère. Mais t'as bien fait de le noter, très bien, très bien. On est d'accord. Bon, alors Frenzen, j'exagère un peu parce qu'il a quand même terminé dans ses faits marquants. Bon, il a remporté que 3 grands prix, mais il a quand même terminé deuxième du championnat du monde 97. Donc, il est vice-champion du monde de F1 avec bah, 3 victoires, aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc, voilà, c'était ses En seules armes. 96? En 97, en 97. 97, ah oui, En derrière 97. Villeneuve, ouais, d'accord. Oui, 97. Et bon, voilà, il l'a jamais fait. Bon, il est jamais passé dans les bonnes écuries au bon moment, bah, sauf chez Williams Renault. Ben, Williams, quand Ouais, même. là, chez Williams Renault, mais bon, après, c'est allé de mal en pire. Hein. Jordan Mugen Honda et Arrows Cosworth. Sauber et Prostacère. Donc bon, Après la autant. concurrence, là, Ouais, autant c'est vous dire que c'est mes compliqué. Il faut avoir le talent, faut avoir tout. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup, bah voilà, c'est ça n'a jamais été non plus le super patron dans l'histoire. Donc voilà pour ce Grand Prix de Formule 1 1996 à Monaco. Je voulais absolument revenir dessus parce que ça me semblait quand même assez important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'on a fait un bon rétrospectif du Grand Prix, que vous avez bien tout compris les événements, parce que bah, c'est vrai que quand je me suis plongé dans le Grand Prix, autant te dire une chose, Julien, ça a été quand même assez compliqué pour tous les répertoriés, parce que c'est pas une simple course de Formule 1 comme on pourrait en Oh connaître oui, aujourd'hui. là il y a eu des événements, on le voit. Mais ce qui est Ouais. bien là, mais je pense que c'est assez compliqué comme exercice à faire de façon radiophonique. Mais là, franchement, avec les détails que tu nous as donnés, on arrive facilement à s'imaginer quand on connaît bien la Formule 1 et le Grand Prix de Monaco, à s'imaginer les différents endroits, s'imaginer les différentes actions. T'as bien retranscrit l'histoire de cette course et c'était bien parce que. On a bien vécu, je pense, cette course de façon auditive et de façon avec l'imagination. C'est très bien, franchement, c'est. Je te remercie. Alors, c'est sûr que c'est très compliqué comme exercice puisque bah, il faut connaître un peu le circuit du coup pour essayer de le visualiser. Juste avant de terminer cette chronique, Ouais. et promis, je vous laisse tranquille. Le circuit a quand même évolué 3 fois, hein, en 50, en 98 et en 2003. Notamment avec donc l'installation. Alors en 1950, c'était les aménagements au niveau du virage de San Devote. Et puis en 72, je crois que c'est à ce moment-là qu'ils ont mis la fameuse chicane juste après le tunnel, hein, puisqu'il y a eu un accident très très grave. Bon, ça reste une légende du sport automobile, ce circuit. Et également, bah, il y figure, je dois quand même te raccrocher à ça parce que je sais que ça te tient à cœur. Il est également donc inscrit au championnat du monde de Formule E. Voilà. Et oui, c'est vrai, c'est cette saison, première course de voiture électrique Tout à fait. à Monaco, donc Monaco qui est encore plus dans l'histoire, même si, encore une fois, c'était que la première saison, encore une fois, la Formule E, c'est une discipline naissante, mais pour Monaco, c'est vrai que c'était important de rentrer une nouvelle fois dans l'histoire, quoi, du sport auto. D'ailleurs, tu vas pouvoir en parler très bientôt, puisque je sais de mémoire que la saison s'arrête bientôt, là. C'est pas le week-end Ça reste ce week-end, deux prochain? courses ce week-end À Londres, ouais, il me semble, c'est et ça, à hein. Londres et le cadre est magnifique. Ils ont franchement eu un très bon choix. J'étais assez surpris. Je pensais que ça allait passer devant les monuments, un peu comme à Moscou devant le Kremlin, qu'on allait passer devant Big Ben, devant pas mal de choses dans le genre. Mais en fait, non, c'est dans un parc et ben, pour la Formule E, c'est parfait. Technologie verte au milieu du vert, c'est juste bien, quoi. Eh bien, Après, le écoute, circuit est pas. Je sais pas, j'attends de voir, mais le circuit a l'air quand même assez étriqué. Mais on verra ça ce week-end. Mais Tout ouais, j'en parlerai sûrement dans la semaine prochaine du à final de la fait. Formule 1. J'imagine. Donc, je t'écouterai avec impatience parce que, du coup, quand j'achète pas Auto Hebdo, bah, au moins je sais que j'ai Julien qui me fait des résumés de Formule E. Ah ben, c'est gentil. Bah oui, du coup, On il ne n'y a que compte pas. toi. Donc, le SAV de la F1, ils sont encore sur la F1. Donc, du coup. Je parle un Forcément, il peu de reste plus que Formule 1. toi. La saison prochaine, je parlerai de Formule 1 de façon plus épisodique. Là, c'était vraiment pour marquer le coup pour Ouais. la première saison. Mais ouais, sinon, pour revenir sur les modifications qui a eu lieu à Monaco, ça me rappelle, c'était avec Mister Yoyo qui avait déjà effectué une chronique Oui. dans l'analyse F1. Malheureusement, en ce moment, il ne peut plus pour des problèmes techniques et informatiques, mais D'accord. il reviendra dès qu'il pourra, je vous l'assure, parce qu'il a envie de parler de choses historiques de la Formule 1 également. Et quand il en parlait, quand on était sur un autre site ensemble avec Mister Yoyo, il avait une sorte de podcast, on va dire, où il parlait des changements effectués sur les différents circuits de Formule 1. Et c'était très intéressant, donc peut-être que ça peut être une piste pour un podcast, une chronique également de parler de ça. Il est vrai que alors Monaco a subi quand même très peu de modifications parce que si on regarde d'autres pistes de Formule 1 qui ont carrément été ravagées par le désastre de la Formule 1 moderne, disons-le, notamment j'en ai un en tête là, Hockenheim, sans aller plus loin, qui Ouais, a bien. littéralement été ravagé. Parce que pour moi c'est un crime d'avoir fait ce circuit. Voilà, on va dire que d'une manière générale, Monaco n'est pas aussi touché que d'autres Grands Prix de Formule 1 par ce problème de sécurité. Parce que, alors évidemment, si demain on vous dit je veux un Grand Prix de Formule 1 dans une ville comme Paris, Berlin, New York, n'importe où, avec des pistes aussi fluettes que celles de Monaco, tout de suite on va vous tomber dessus, on va vous dire non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les normes de sécurité ont énormément évolué depuis les années 50, donc début du championnat du monde de Formule 1, puisque je rappelle que le championnat du monde a 65 ans, et que donc obligatoirement, aujourd'hui, avoir ce genre de circuit, ça n'est même plus possible. Cependant, je trouve qu'une course comme ça, malgré le fait qu'on ne puisse pas dépasser, mais il y a toujours quelque chose d'assez magique de voir ces pilotes qui frôlent quand même hein, la catastrophe à chaque virage, hein, quand on a des Oui. virages aller très rapidement, quand on est en caméra embarquée par exemple, c'est juste assez, enfin c'est assez hallucinant, même quand on, je sais pas moi, je sais pas si tu joues, bah si tu joues aux jeux vidéo, donc t'as peut-être fait déjà le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, voilà, C'est le plus dur, hein, c'est. si t'arrives à faire un tour sans égratigner ta monoplace, t'es très fort. Donc, quand on voit par exemple le passage entre le tabac et la rascasse, donc tout cet enchaînement où on est très près, surtout au niveau de la piscine, Ouais. du virage de la piscine, où là on frôle, enfin, je me rappelle de tête voir des pilotes qui se sont massacrés sur ce virage-là. Il y a C'est une vrai. prouesse. Y a une prouesse. Après, On effectivement, la met pas assez en avant cette prouesse, je trouve, parce que à non. chaque fois Grand Prix de Monaco, je sais pas, à chaque fois tous les ans, enfin, y a des étonnements sur le fait qu'il n'y a pas assez de, soi-disant, de spectacle, le sacro-saint spectacle, qu'il n'y a pas assez de dépassement. Mais on connaît Monaco, ce qui est étonnant, c'est pas les dépassements, c'est le fait de, comme tu l'as très bien dit, c'est de frôler les rails et Tout à fait. d'être à fond dans ce circuit. Daniel Ricciardo déclarait, en parallèle du Grand Prix de Monaco, il déclarait que c'était comme conduire dans un supermarché, hein, conduire sa voiture dans un supermarché. Ouais, c'est ça. Mais j'ai envie de te dire, Julien, que malheureusement, à force d'avoir assimilé la Formule 1 à un spectacle, et que un spectacle était égal à du dépassement obligatoire, du coup, on arrive à une frustration légitime par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on a mis que les instances dirigeantes de la Formule 1 ont mis des DRS en veux-tu en voilà, des choses, des artifices qui n'ont pas forcément lieu d'être parce que je pense que la course malheureusement s'est transformée un peu trop à cause de ça. Et à Monaco, si tu veux attendre du D'accord. dépassement, et moi je sais que dans la bouche des commentateurs, la première chose qu'on entend c'est dépassement. Mais pourquoi? Parce qu'à Monaco, si tu veux dépasser déjà, tu dépasses. Pour moi, il n'y a pas de. Enfin, personnellement, je suis dans une Formule 1, je dépasse. Hein. Je m'en fiche s'il n'y a pas de place ou pas. Je fais compagnie. Hein. Donc voilà, déjà ça s'est fait. Ensuite, Quand même compliqué à Monaco, quand même. alors il y a des endroits que C'est il y a des théoriquement impossible. théoriquement impossible, Si le mais pilote de devant défend bien, c'est théoriquement impossible, sauf, enfin, sauf, c'est des exceptions les dépassements. sauf si évidemment on a un gros Grosjean et un Verstappen dans le coin, mais Ah, mais il n'y a pas eu de dépassement. non, je rigole, mais voilà, tout simplement, c'est vrai que à force d'entendre dépassement, dépassement, dépassement, dépassement, bah, on finit par se lasser et se dire pourquoi axer ça que sur effectivement. Alors oui, c'est toujours mieux d'avoir du spectacle, d'avoir du dépassement en F1, mais là, C'est clair, mais très, bon. très franchement, Monaco, c'est pas son intérêt. Son intérêt, ça reste quand on voit les voitures en équilibre lorsqu'ils vont atteindre le virage du Mirabeau Haute, hein, ce fameux virage où Rosberg s'est fait piéger en qualification, par exemple, l'année dernière, où effectivement, l'équilibre de la voiture fait que du coup, bouf, on tombe à moitié dans un gouffre, j'exagère, mais on tombe à moitié au niveau de la piste, elle est en dévers, et que là, la F1 perd de l'adhérence. C'est là le. c'est là que je trouve, enfin, c'est dans tous ces petits détails-là, quand on descend Mirabeau-Bas ensuite, c'est dans tous ces petits détails-là qu'on voit que, voilà, il faut être un homme pour conduire ces monoplaces, même si apparemment elles sont aussi faciles à conduire qu'un truc de peu, qu'une console de. Alors ça c'est du Oui, c'est du non, mais bullshit pour le coup, ça. et ça, j'entends ça Moi depuis. je on critique enfin moi je critiquais Max Verstappen, mais de ce côté-là, grand chapeau à lui de s'être familiarisé avec la F1 assez vite, parce que mine de rien c'est encore physique, moins qu'avant, mais c'est encore physique, et il faut quand même il y a quand même de la puissance, plus de 800 chevaux, presque 900, c'est quand même quelque chose. Et en plus avec toute l'électronique embarquée et comment dire et les boutons à toucher, Carlos Sainz déclarait d'ailleurs que pour lui, c'était 20% de, il se concentrait qu'à 20% sur son pilotage et à 80% sur son volant. Et il faut pas généraliser cette déclaration, il faut juste se dire que pour un rookie, c'est juste très compliqué, tout simplement de se faire à la F1 quoi. À mon avis, un pilote plus expérimenté, c'est peut-être du 50-50, hein. Pour lui, c'est du 80-20 carrément, donc Mais je pense c'est juste d'ailleurs que fou. c'est le même Sainz qui avait, il me semble, déclaré que la F1 était très dure mentalement, même la F1 d'aujourd'hui. Donc, comme Oui. quoi, entre guillemets, j'ai envie de te dire, les pilotes aiment bien se contrarier. D'ailleurs, on parle de la F1 moderne et je pense qu'on va s'arrêter là. On parle de la F1 moderne, mais évidemment, les mêmes problèmes se posaient dans les années précédentes. J'aimerais juste. Pour les amateurs de Formule 1 éclairés, vous dirigez vers un article, un excellent article de Thibault Larue sur Sport Auto. J'ignore si tu l'as lu, Julien, mais il m'a semblé très intéressant dans le fait où on passe en fait des années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, donc en fait toutes les époques de la Formule 1, toutes les décennies, et qui nous permet de voir qu'en fait on peut se plaindre aujourd'hui, on se plaint aujourd'hui, mais croyez-moi, on était loin, très très très très loin d'être les seuls, puisque bien des années avant, croyez-moi, les pilotes et les instances dirigeantes de la Formule 1 notamment, c'était des sacrés zouzous. Donc c'est sur Sport Auto, sportauto.fr, et c'est un article de Thibault Larue, donc à lire absolument, parce qu'il est très très très bien écrit, notamment la conclusion. Donc voilà, je laisserai Julien mettre ça s'il le veut d'ailleurs, parce que je l'oblige à rien du tout. C'est pas mon podcast, comme dirait l'autre. Il pourra Ah bah évidemment. oui, je peux mettre le lien Tu mettras le lien parce que. sur la dans la description du Tout à fait. podcast évidemment, parce que bah, j'aime bien ces articles qui passent en revue l'histoire pour mieux expliquer un phénomène actuel. C'est vrai que ça me paraît intéressant. Ah bah tu vas voir qu'il est très très très très très bien écrit et il est très intéressant puisqu'il revient quand même sur les bisbilles qui se sont passées et moi j'ai énormément appris de choses là-dedans surtout dans les années où je me disais que c'était assez tranquille et puis au fait pas du tout, c'était même parfois pire qu'aujourd'hui donc qu'on se rassure, Hamilton Rosberg c'est parfois du pipi tcha, croyez-moi. Ah oh bah oui, Donc carrément. voilà. Merci Julien en tout cas de m'avoir fait confiance encore une fois pour cette chronique Rétro GP. Et puis bah là il y aura une prochaine fois, je te l'assure. T'inquiète pas. Il y aura une prochaine fois. Et puis bah j'espère que les auditeurs vont aimer le format. Hein, voilà, tout Ben, simplement. merci à toi, Justin, pour cette chronique. C'était fort enrichissant. Moi, j'étais dans le Grand Prix, franchement, j'imaginais les différents retournements de situation, comment ça pouvait être accueilli et tout. C'était très bien, franchement. Et j'espère que vous, chers auditeurs, vous avez pu, comme moi, ben, apprécier, on va dire, vous imaginer bien le Grand Prix et tout, et vous nourrir un peu tout ça, et vous remémorer aussi le Grand Prix, parce que je l'ai vu aussi, mais j'étais petit, quoi. Donc c'est vrai que ça me fait l'occasion de me remémorer un peu tout ça. Bah, tu peux te le remémorer, tu peux même le regarder, hein, puisque encore Et une oui, fois, disponible sur Internet. il est disponible sur le site de Dailymotion, dailymotion.com, et c'est alors l'image est de très mauvaise qualité pour preuve, pour décrypter pour vous faire le classement du Grand Prix à ce moment-là. Donc je me suis énormément appuyé évidemment sur la retransmission de TF1. Je ne pouvais même pas. L'audio est de très bonne qualité, par contre effectivement l'image est très très mauvaise, donc. Voilà, on pourrait même confondre la Benetton Renault avec la Ligier, tellement c'est Ah mauvais. oui, Donc c'est d'accord. pour vous dire à ce point, c'est pas très regardable. Par contre, à écouter, voilà, c'est un vrai régal et je vous invite vraiment à aller voir ça, donc Grand Prix de Monaco 96 sur Dailymotion. Donc voilà. Et il me semble que je l'avais trouvé sur YouTube il y a quelques années, mais bon, En c'était pas en portugais, français les commentaires. C'était, je crois. il y est toujours. Il y est Il est toujours. Il, toujours, mais oui, il me il semble est que un peu. c'était pas avec les commentaires en français Non, que non. j'avais trouvé. Non, non, il C'était est portugais. portugais, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, pas très compréhensible. Vous pouvez, en tout cas, vous pouvez le trouver à di Tout à fait. divers endroits Tout à fait. et profiter et écouter en même temps, peut-être écouter le podcast et regarder en même temps pour vraiment vous mettre dedans. Mais à mon avis, même rien qu'en écoutant, normalement, on peut vraiment se mettre dedans. C'est aussi le but du podcast. Sinon, on ne le ferait pas. Ben, en tout cas, à bientôt, Ghislain, pour une nouvelle chronique, une nouvelle chronique de Rétro GP. Ce sera avec plaisir. Eh bien, à bientôt, Julien, et puis bon vent pour tes prochains podcasts, bien entendu. Eh Voilà. bien, merci. J'espère annoncer dans l'été des nouvelles évolutions du podcast. On Ah. verra ça peut-être vers milieu, fin de l'été, j'espère. J'ai plein d'idées là, j'ai plein d'idées et Ça foisonne. j'ai qu'une seule envie, c'est de trouver le temps pour les mettre en pratique. Et Oula. quand ça va venir, je vous promets que vous aurez du podcast très souvent. Voilà. Et crois-moi, Julien, le temps, personnellement, moi, je ne sais même plus, enfin, je ne sais même plus comment je fais pour caser mes diverses activités maintenant dans le podcast. Donc, crois-moi que c'est dur parfois, pour tout Ouais, casser. je te comprends. Bon, en tout Voilà. cas, eh bien, merci à toi, merci à vous, Merci. chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Hein. Vous êtes les courageux, vous êtes les trois qui ont fini le Grand Prix de Monaco. Non, je plaisante, c'était pas quand même, c'était. Ne comparons pas le temps fluctuant à ce podcast, ce serait vraiment te faire des honneurs, Ghislain, mais c'était juste pour la petite blague. Donc, ben, à bientôt, passez une bonne semaine tout le monde, et surtout, en attendant, qu'est-ce qu'il y a, Ghislain, en attendant? En attendant, vivons notre passion à fond. Je crois que c'est ça ta formule de fin. Je crois que c'est ça, non? C'est ça, vivons notre passion, à bientôt!